Chata pour Halloween alors. Ce soir nous fête Halloween. J'aime comment tu fais monter mon adrénaline. Je sens que tu es maligne. T'as la potion magique pour me rendre docile. Wiggle wine sur le dancehall. Boom boom fatal wine comme personne. Girl you are my addiction. Des mon son de sortie faut faire attention. Adrénaline. J'aime comment tu fais monter mon adrénaline. Je sens que tu es maligne. You are my addiction. Les démons sont de sortie, faut faire attention. Cody, tu sais y faire. Ce soir c'est direction l'enfer. Pas question de te faire fuir. Baby, fais monter mes plus sombres désirs. Real Batman sont de sortie. Shorty, ce soir je jette ta sécurité. Les masques tombent dans la nuit. Sauras-tu m'apprécier dans l'obscurité? Adrénaline. J'aime comment tu fais monter mon adrénaline. Je sens que tu es maligne. Adrénaline. You are my addiction. Les démons sont de sortie, faut faire attention. Ce soir nous fête Halloween. J'aime comment tu fais monter mon adrénaline. Wiggle wine sur le dancehall. Boom boom fatal wine comme personne. Girl you are my addiction. Des mon son de sortie faut faire attention. Adrénaline. J'aime comment tu fais monter mon adrénaline. Adrénaline. Girl you are my addiction.